Voici votre tour d'horizon rapide sur le couvent de l'Incarnation d'Avila. Bâti en 1515 sur un ancien cimetière juif et classé par l'UNESCO, ce monastère espagnol n'est pas qu'un simple bâtiment historique. C'est carrément le laboratoire fascinant où a germé une véritable révolution spirituelle au XVIe siècle. Alors, premièrement, c'est l'épicentre absolu de l'histoire de Sainte Thérèse d'Avila. Imaginez un peu, entrée en 1535, elle y a vécu près de 40 ans. C'est exactement entre ces murs qu'elle a traversé des expériences mystiques intenses. Vous savez, comme la fameuse transverbération, ce transpercement spirituel de son cœur. Et c'est aussi là qu'elle a préparé la réforme totale de l'ordre des carmélites pour le ramener à sa rigueur d'origine, épaulée par Saint Jean de la Croix. Deuxièmement, l'architecture du bâtiment est un pur voyage dans le temps. On part d'une base romane très modeste, à laquelle on a ajouté de superbes transformations baroques au XVIIIe siècle. Mais le détail le plus fascinant, c'est la chapelle de la Transverbération, un espace sacré érigé en 1630, pile à l'emplacement de l'ancienne cellule de la Sainte. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce monument est encore bien vivant aujourd'hui. Toujours habité par une communauté active de moniales, le couvent abrite un musée exceptionnel où l'on découvre les parloirs d'origine, avec leurs grilles, des objets personnels de la Sainte et même un surprenant dessin de la crucifixion vu en plongée, réalisé par Saint Jean de la Croix. Loin d'être un simple vestige de pierre, ce monastère prouve de manière éclatante que la conviction intime d'une seule femme a pu remodeler l'histoire de la spiritualité pour les siècles à venir.